nuit de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Des pauvres gens, des pauvrettes. Si en France, tout se termine par des chansons, à Paris, toutes les chansons d'Aristide Bruand débarquaient au cabaret Le Chat Noir. Mais Le Chat Noir, c'était dans la vraie vie. Dans le roman Les Bas-fonds de Paris d'Aristide Bruand, on chante aussi, mais on ne fait pas que chanter. On vit mal. Avec difficulté, on est exploité, on a faim. Les Bas-fonds de Paris, voici les 18e et 19e épisodes du feuilleton diffusé sur France Culture au début des années 80. À la vaisseau, sa toque de martre, sur la butte Montmartre, un petit air innocent. On l'appelait Rose, elle était belle, elle sentait bon la fleur nouvelle. Rue Saint-Vincent. Les Bas-fonds de Paris par Jean-Jacques Stein. D'après le roman d'Aristide Bruand. Aujourd'hui, 18e épisode, avec Jean-Roger Caussimon dans le rôle de Bruand. Et dans les principaux rôles, Francine Bouffard, Monique Thierry, Pierre Constant, Pierre Delbon, Jeannine Darcet, Manuel Dexette, Claude Nicot, Paul Leperson, Yvonne Clesch, Jean-Paul Racodon, Dominique Paturel, René Renaud. Réalisation, Claude Roland Manuel. Avec beaucoup d'argent, toute leur vie elles engraissent, elles ont l'air impotents. Moi dès mon plus jeune âge, je ne possédais rien, n'en ai pas davantage et je me porte bien. Y'a des richards qui bouffent et faisant des perdreaux, toutes les nuits ils étouffent en beuglant comme des veaux. Ils emploient, ça se devine, les drogues du pharmacien. Moi je bois jamais de médecine et je me porte bien. Combien voit-on de pipettes qui vont se promener dehors, sur des vélocipèdes ou dans des cages à ressort. Moi j'aime pas les épates, je trouve que ça sert à rien. Je marche avec mes deux pattes et je me porte bien. J'en connais qui discutent, qui se font du mauvais sang. Toute l'année, ils se disputent pour le bleu, pour le blanc. Moi, je fais pas de politique, mais je suis bon citoyen. Je vote pour la République et je me porte bien. L'infortunée petite chiffonnière avait entrevu le paradis à la crèche Rose-Aimée. Hélas, Fifine l'avait replongée dans son enfer. Lors d'un accès de fureur, la marâtre bat l'enfant au point de provoquer l'intervention de Garin, le cheminot. Les chiffonniers chassent Fifine de leur cité et confient la fillette à Garin. Le cheminot avait pour la petite chiffortonne des paroles tendres et exquises, comme celles d'un jeune papa. Semblable aux plantes, longtemps à l'ombre, qui pointent leur feuillage droit dans la direction de la lumière, l'amour de la petite alla tout entier à cet homme qui lui témoignait une tendresse saine et vivifiante. L'âme de la pauvrette s'ouvrait à la tendresse, au bonheur, à la vie. Ah oui, elle aimait son papa Garin. Elle aimait aussi Tonton. Ah oui, beaucoup, beaucoup. Il est si bon, Tonton Tommy. Et il me fait rire avec des grimaces tout plein drôles. Tonton, c'est le frangin à papa Garin. Pourtant, il lui ressemble pas. Mais alors là, pas du tout. Si j'ai bien compris, c'était un noir qui se tenait dans la case de Garin. Et de plus, la petite l'appelle Tommy. Il s'agirait de notre ami... Tommy Turnip. Exactly. Pour l'instant, laissons Rosémie à son bonheur tout neuf, heureuse pour la première fois de sa vie. Revenons d'abord à ceux qui s'intéressent à elle, mais les uns et les autres avec des objectifs différents. Donc, l'hiver tire à sa fin. Adrienne, convalescente, commence à prolonger ses promenades dans le parc du château de Balainvilliers lorsqu'elle apprend la mort de son père. Le banquier Bonnaire avait succombé à une attaque d'apoplexie foudroyante dans son bureau, près de ce coffre-fort qui était sa vie, son cœur, son âme. L'infâme et lâche machination qu'il avait tourdie contre mon bonheur. Notre bonheur, mon Jean, avec l'abjecte complicité de Julie, a tué en moi, j'ose l'avouer, tout sentiment d'amour filial et de respect. Mais puisque je suis sa fille unique, cette mort m'impose des devoirs. Vagues devoirs sociaux que le monde appelle les convenances. Je ne peux m'y soustraire. Je prendrai le deuil, rien de plus. Et la totalité de sa fortune dont j'hérite ira intégralement aux pauvres. Je voudrais réparer le mal accompli par cet homme dont je rougis d'être la fille. Ma bonne Adrienne, nul ne songerait à discuter cette généreuse idée alors que la plus cruelle des infortunes vous a frappée et que vous ne cessez de penser à toutes les douleurs, à toutes les adversités, à toutes les injustices du sort. Ma chère Hélène, j'ai décidé de vous accompagner à nouveau à la crèche Rosémée. Mais n'es-tu pas encore faible? Ne me gronde pas, mon Jean. Il me tarde de retrouver mes chers petits. La crèche est née de ce besoin d'être mère, d'aimer les petits, les faibles. J'avoue marquer une préférence, mais qui m'en blâmerait? Pour les petites filles. Particulièrement pour celle qui aurait l'âge de Rosémée. Et peut-être, t'en souvient-il, devant la crèche, par une tourmente de neige, cette pauvre petite chiffonnière... Ah oui, je m'en souviens. Et tellement bien que je résolus de retrouver cet enfant. Dès que tu fus hors de danger, j'allais à sa recherche. Il y a quelques jours, le patron d'un assommoir, non loin de l'octroi, s'est rappelé fort bien une petite fille rhabillée par nos soins. Elle vit avec son ivrognesse de mère et son frère, un mauvais sujet. Le patron ne les a jamais revus. Il suppose qu'ils habitent dans une cité chiffonnière de Malakoff. Nos recherches se portent de ce côté. Ah, si nous pouvions obtenir des nouvelles aussi précises sur notre rose aimée. Hélas, mon pauvre Jean, rien de nouveau. La seule certitude apportée par Chabanet est la présence certaine de Ragdal à Paris. Mais... sous quelle identité et que fait-il? Chabanet espère m'apporter très bientôt des précisions. À cela s'ajoute, je l'avoue, le souci de Tommy. Il a disparu depuis si longtemps. Mon chéri, nous sommes habitués à ces disparitions. Mais celle-ci se prolonge. Que n'ai-je suivi ma première impulsion? Souvenez-vous, deux ou trois semaines après notre arrivée à Paris, j'aurais dû me montrer ferme et le renvoyer en Amérique. Au lieu de cela, je me suis laissé attendrir. De l'une à l'autre rive, tout le monde en crève. All right. Master, vous avez le droit de me congédier. Mais je suis libre, n'est-ce pas, depuis l'émancipation des nègres? Mais parfaitement, Tommy. Ah. Master, en vertu de ma liberté reconnue par la Constitution, je reste sans gage à Paris. Oh, j'irai pour gagner ma vie, chanter le choléra dans les cours... car, sans me flatter, je suis devenu assez populaire comme chanteur, Master. Le choléra, carré, de l'une à l'autre rive, tout le monde en crève. Well, voilà qui te change des refrains du Mississippi. C'est Monsieur Chabanet qui me les apprend. C'est d'Aristide Bruant. Paraît qu'il est très populaire aussi. Mais ta personnelle popularité me navre un peu. Ta présence dans un endroit ne passe jamais inaperçue. Mais pourquoi, Master? La France est le pays de la liberté, Master. Le jour, j'irai chanter le choléra dans les cours, et le soir, je viendrai me coucher en travers de votre porte avec mon banjo et ma bouteille de brandy. Master, je vous aime trop pour vous quitter. Bon, je capitule. Tu ne retourneras pas en Amérique. Je vais te mettre au vert au château de Ballainvilliers. Ouh! All right! J'aime la campagne, la liberté, les prés, les bois, les fleurs qui poussent le long des routes. Ah, j'aime ça, j'aime. Et je chanterai en m'accompagnant de mon banjo. Je servirai fidèlement King John et Milady Adrienne, dame de grâce et de beauté. Au commencement de son séjour, on employa Tommy aux travaux de jardinage. Le premier dimanche, il obtint la permission d'aller se promener. On ne le revit pas de la journée. La tour de Montlhéry qu'on aperçoit du château l'attirait comme un aimant. Dans les champs, il ne risquait plus d'interrompre la circulation et de déchaîner les foules. Eh bien si, dès ce premier soir, il réussit à drainer une cohorte vociférante de gamins et d'adultes qui vivent le long des routes. C'est impressionnant, cette rumeur dans la nuit sereine. Du pain, du pain, du pain, du pain, du pain, du pain, du pain. J'avoue que j'eus très peur pendant quelques secondes, et encore plus du silence qui s'est établi presque d'un seul coup. Combien était-il silencieux, agglutiné à la grille? Et la voix pathétique de Tommy. If you please, Madame Adrienne, ils ont très faim. Qu'ils ont. Ah. All right. Marchez les gars, suivez les mages qui s'en vont les yeux au ciel. À Jésus portez leur hommage. Tommy, il faut avouer que tu as une manière bien originale de chanter bruant et de faire la charité. Et les promenades de Tommy se prolongeaient de plus en plus longues et ses retours s'espacèrent. Cherche fortune autour du chat noir. Come on! Au clair de la lune à Montmartre. Mais c'est mon nègre américain! Une seconde avant d'entrer dans le café. Récapitulons. Vous vivez des libéralités de ce genre robin qui s'occupe de rechercher Ragdal. Oh, si je le tenais! Ces revenus ne peuvent pas vous mener bien loin. Ben, c'est bien vrai. Autant me mettre de la boîte puisque j'en ai la réputation. Hein? Qu'est-ce que je risque? Je vous avouerai que moi aussi, je cherche ce Ragdal. Par exemple, voilà qui tombe à pic. On ne peut mieux, tu l'as dit, Bouffy. Je vous fais entrer à la boîte, et vous serez aux pièces pour commencer, c'est-à-dire que on vous paiera suivant les renseignements et les indications fournies. En d'autres termes, vous ne serez pas agent en titre, mais simplement indicateur. J'ai moi-même commencé par là. Mais sur qui, ces renseignements? Sur les affaires qu'on vous signalera. Et vous me les apporterez. Les indicateurs ne correspondent pas directement avec la préfecture. Allez, entendu. À partir d'aujourd'hui, je vous embauche. Mais surtout, pas un mot de tout ça, votre Américain. Ce qu'il y a de chouette dans ce fourbi, c'est qu'on peut manger à tous les râteliers. Bonjour, monsieur Chabanet, comment ça va? Mais d'où sors-tu? Il y a une paye que je ne t'ai vue. Apprenez-moi de nouvelles chansons. Ah, le bois blanc, c'est pas le moment, demain. Oui, Tommy, c'est promis. Toi, Chabanet, tu montes au premier. Hein? Ragdal t'attend. Ragdal? Lui-même en personne. Nom de Dieu de vache! Monsieur Chabanet, bien le bonjour à monsieur Patrice. Mais oui. Je reviens demain, alors. C'est ça, à demain. D'accord, à demain. C'est bien toi! Te voilà bien agité, monsieur Chabanet. Assieds-toi. Et prends une verte. Trinquer avec toi? Plus souvent! Mon pognon! Tout de suite les grands mots. Mon pauvre Chabanet, il faut l'avouer, tu n'as jamais fait le poids. On t'appelait pas le guignard dans le temps? J'en ai mon faf de tes discours! Mes biftons! Ça exige comme un vrai marle, voyez-vous ça? Nip de pèse. T'entraves? J'entrave. Alors, ta décision? Tu viens me les casser pour 800 000 malheureux fafiots. Et comme tu y vas! Alors que je te propose d'enfouir dans ta profonde 2 ou 3 millions. 2 ou 3? Non, mais dis, quel tour de cochon tu me prépares encore, toi? Fais donc plaisir aux amaches. Tu m'armes pour Jean Robin? Ne mens pas, je le sais. Et même pas par Anatole. Oui, tu es rentré en France sur le Star of Erin. Et tu vis bien à Pantruche. Avec quoi? Facile à déduire. Patrice Guéry, le mec au milliardaire, t'a engagé et pour me remettre la patte dessus. Juste. Tu vas leur dire que tu m'as retrouvé. Et quoi d'autre? Hein, c'est tout. Pour 3 briques? Tu me prends pour un pigeon? Mais tu me rapporteras tout ce qui se passe chez eux. Tout! Absolument tout! Ils recherchent une gosseline. Ouais, Rose Aimée. Moi seul, je la rapporterai. Et personne d'autre. Donc, ils ne doivent pas la retrouver tout seuls. S'ils ont des tuyaux d'un autre côté, tu me les refiles. Vu? Vu. Allez, calte! Tu te pointes tous les jours ici, hein? Oui, oui. Bon. À toi, Anatole. Ah! Tiens, j'ai du nouveau et du bon. J'ai remis la main sur Fifine Selabre. Merde. Et la gosseline est toujours vivante. T'aurais pu commencer par là, connard! Anatole, casserole de mon cœur, notre fortune est faite. Elle n'a plus avec elle. Aucune importance. Où crèche-t-elle la rombière à Chopin? Chopin et Canet. Aucune importance. Seule la fifine m'intéresse. Elle crèche après Montparnasse, vers Plaisance. Bon, va chercher un sapin. Tu me raconteras la suite en route. Le charmeuse non plus qu'on ne le lâche pas d'une semelle. Pas question qu'il se foute en travers lui aussi. Ah, il est trop enjoyé avec sa marmite casque d'or. Au claque, elle prend du pognon. En vois-tu, en voilà. Le comte de charmeuse d'Auvert. Je croyais avoir tout vu. Le cocher, à Plaisance. Et au trot. Au trot, au trot. Faut pas fatiguer mon pauvre canasson. Un côtier hors de service, quasiment comme son maître. À qui je pousse parfois la blague de brûlant. Viens ici, viens que je t'accroche. V'là l'omnibus, faut démarrer. Huo, culot et tête de boche. Tu vas peut-être pas te foutre à tirer au cul. T'en as assez de la côte. T'as déjà soupé du métier. Mais tu peux plus en faire un autre. Te v'là comme moi. Te v'là croutier. Qu'est-ce que tu regardes? Un jument qui pisse. Ça te fait donc encore de l'effet? Ouais, je t'aurais pas cru si novice. Les femmes, tiens. Là, l'effet que ça me fait. Viens, mon salaud, viens, guide à gauche. T'es trop vieux, va pour dérailler. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on t'embauche. Tu n'es plus bon qu'à travailler. Ça t'étonne? Ben vrai, tu m'épates. C'est la vie. Faut porter le licou tant qu'on tient un peu sur ses pattes. Et tant qu'on peut en foutre un coup. Et puis après, c'est la grande sorgue. Toi, t'iras chez l'écarisseur. Moi, j'irai peut-être ben à la morgue, ou ben autre part, ou ben ailleurs. Bonjour, Madame Chopin. Madame. Ragdal. Ragdal. C'est vrai. Tu juges bien, Fifine, c'est bien moi. Eh ben. Je t'ai connu mieux installé que dans cette cabane à poubelle. Oh, lâcheur! Où que t'as disparu pendant tout ce temps? Tu rappliques comme ça, bon menargué! Si c'est votre façon d'accueillir les amis, salut! Ah, non, non, non! T'en vas pas! Ah, j'en ai tiré 27 minutes! Oh, t'as pas changé. C'est pas comme moi. Ouais, t'es un peu plus gironde. Mais l'embonpoint te va pas mal. C'est vrai. Oh, faut pas te gêner. J'en pince toujours autant pour ton orgue. T'es mon homme pour la vie. Ouais. Dis donc, notre petit reculot d'amour, tu l'as toujours? Tout le portrait de son salaud de paix. Merci. Ah, tu peux pas le renier, celui-là. Tu sais pas ce qu'il m'a fait, ce petit crapaud. Ah non, je débarque. Il s'est tiré des pieds. C'est pas possible. Avec du pèse, qui s'est fait filer par ficelle. Qui s'est ficelle? Ben, on voit qu'il a de qui tenir. La salope que tu m'as loquée sur les bras avant de partir pour plus revenir. Toujours poseur de lapin, hein? Je te gobais quand même. Je te gobe encore pour tout dire. Tu pourrais être plus collant. Oui, cause toujours, on verra après. Et ficelle, elle est avec toi naturellement. T'as refusé de cracher le morceau à mon copain Anatole. Tu penses si je la gobais, la moustronne? Une peste, je te dis. Ah, j'y tapais dessus. En veux-tu? En voilà. Ça t'apprendra, petit chameau, avoir été fabriqué à une autre gonzesse. Ah, j'avais raison, pas vrai. À ma place, t'en aurais pas fait autant. Je t'avais recommandé de la soigner. Notre fortune future. C'est comme ça que tu m'avais eu. La fortune. Oh, on n'a même pas de quoi becter. À peine un petit coup à licher de temps en temps. Ouais. Je la gardais quand même. Un jour ou l'autre, Ragdale, il viendra la rechercher et je le verrai. Oh, le cher homme. Seulement, je ne flattis pas qu'un sale bouc de cheminot. Trouve à redire parce que je cogne sur la gosse qui chiale. Oh, il a meute les biffins. Qui ficelle à garder un cheminot du nom de Garin. Et il me fout dehors en 5-7. Comme quoi je suis par ici pour retrouver mon recul mignon. Il a monté en grade. Hein. On l'appelle le roquet. Oh, ce qui me rappelle son cochon d'abord. Mon béguin. Toi en personne. Le roquet de Malakoff. Tu peux te vanter d'avoir fait du propre. Poufias. Comment je vais la repiquer, la môme en loose dé? Sans compter qu'un cheminot, ça se balade. Ah, ils sont peut-être déjà sur les routes. T'as parlé de moi? Je t'ai posé une question! Bah, forcément, ils voulaient m'écharper! Tu serais rien chouette comme tout de me dégoter mon seul roquet. Le pauvre chéri mignon. Et je serais tout plein gentil avec toi. une bonne affaire, hein? Ah, tu t'en trouveras bien. Dis donc, mon béguin, je t'attends. Mais je t'attends depuis des années. Il y a aussi des années que tu t'es pas contemplé dans une glace. J'aimerais mieux te transformer en professeur Abélard. On risque la peste, la syphilis, la gale, ou une invasion de morpions, et pire encore. Mère Putifar en crassé. Le Ragdale, je t'aime. J'ai jamais aimé que toi. Oh, tu me fais dégueuler, tiens, tu pues. Mais qu'est-ce que t'avais besoin de jouer du tambour sur la gosseline pochetée? T'avais le reculot pour passer tes nerfs. Mon chéri mignon. Oh, c'est pas pour rien qu'on ait une mère. Si elle parle, la gosse. Si elle dégoisse sa vie avec toi, connasse! Hein? Et ça? Comment veux-tu parler à faire après? Mais arrête! Tu penses me balancer aux flics? Merde! Mais arrête! On va passer le sac! Mais je t'aime! Oh pitié! Oh dalle! Non, au secours! Pitié d'une bourrique pourrique dans la cabine! Tiens! Et tu t'en tireras pas si mon compte est pelleté! Saleté! Tiens! Oh merde, j'ai tapé trop fort. Oh la vache, tiens. Elle s'est éclatée la gueule contre le pied en fer. Oh merde. Eh oui. Oh. Elle est tout ce qu'il y a de plus clumsé. Oh, une coup pour la fanfare. Bon. Un clapet de coincé, c'est un clapet qui ne l'ouvre plus. Hein? Hey, t'en fais pas la fifine. J'irai porter sur ta tombe une bouteille de gnôl en guise de fleur. Elle avait pu ses 18 ans. Elle était plus jeune depuis longtemps. Et elle faisait encore la place à Montparnasse. Elle était large comme un tonneau, ses yeux ronds comme les yeux d'un veau, pleurait une espèce de lavasse à Montparnasse. En la voyant, on savait pas si c'était de la viande ou du gras qui ballottait sur sa surface à Montparnasse. Ses gros nénés étaient pas beaux, on l'aurait dit de Jean Bonneau, suspendu le long de sa carcasse à Montparnasse. Elle avait une robe de reps noire, le matin ça y servait de peignoir, la nuit, ça y servait de limace à Montparnasse. Elle travaillait sans aucun goût, des fois elle foutait rien du tout, pendant que j'étais dans la mélasse à Montparnasse. En vieillissant à Gobelvin, et quand je la croyais au turbin, soir à s'enfiler de la vinasse à Montparnasse. Pour boire à me tricher sur le gâteau, c'est pour ça que j'y gardais la peau et j'y ai crevé la paillasse à Montparnasse. C'était Les Bas-fonds de Paris, par Jean-Jacques Stein, d'après le roman d'Aristide Bruand. Aujourd'hui, 18e épisode, avec Jean-Roger Caussimon dans le rôle de Bruand, et Francine Bouffard, Rosémée, Monique Thierry, Adrienne, Pierre Constant, Jean Robin, Pierre Delbon, Patrice, Janine Darcet, Hélène, Manuel Dexette, Tommy, Claude Nicot, Monsieur Chabanet, Paul Le Person, Anatole, Yvonne Clèche, Fifine, Jean-Paul Racodon, Le Cocher, Dominique Paturel, Ragdal, René Renaud, Le Journaliste, et Luc Gentil, Gilles Varga, Véronique Angereau, Marie Séolin, Patrice Keller, Amzel, Ginette Franck. La rue Saint-Vincent, par Francine Bouffard. Au piano, Roger Pouly, et Jean-Paul Charlap au banjo. Bruitage, Patrick Martinache. Collaboration technique, Maurice Biard. Prise de son, Madeleine Sola. Assistante, Annie Delers. Réalisation, Claude Roland-Manuel. Cet épisode, le 18e, a été diffusé pour la première fois sur France Culture le 23 septembre 1981. Le 19e fut diffusé dès le lendemain. Le voici. À la vie sous sa toque de martre, sur la butte Montmartre, un petit air innocent. On l'appelait Rose, elle était belle, elle sentait bon la fleur nouvelle. Rue Saint-Vincent. Les Bas-fonds de Paris, par Jean-Jacques Stein. D'après le roman d'Aristide Bruand. Aujourd'hui, 19e épisode, avec Jean-Roger Caussimon dans le rôle de Bruand, et Francine Bouffard, Manuel Dexette, Jean-Jacques Stein, Monique Thierry, Roger Mollien, Janine Darcet, René Renaud. Réalisation Claude Roland-Manuel. Dont l'espèce abonde, un jour maman m'a mis au monde sur le pavé. Avec les garçons et les filles, tout petit déjà joué aux billes sur le pavé. Sans la nickel au but qui tombe, j'ai ramassé des éclats de bombe sur le pavé. Quoique plus grand, je suis toujours modeste, et puisque je suis né, je reste sur le pavé. Sur le pavé, y a des gens qui demeurent, y en a qui vivent, y en a qui meurent, sur le pavé. Y en a qui provoquent des bagarres, ou qui ramassent des bouts de cigares, sur le pavé. Y en a qui se posent en victime, pour qu'on leur jette quelques centimes, sur le pavé. Y en a d'autres que la route fait taire, et qui s'en vont en crevant de misère, sur le pavé. Paris, un jour qu'on fête encore, planta le drapeau tricolore sur le pavé. À la voix du peuple qui gronde, la République est venue au monde sur le pavé. Deux fois elle est sortie de la tombe, maintenant il n'y a plus de danger qu'elle tombe sur le pavé. Car si on voulait nous la reprendre, nous saurions encore la défendre sur le pavé. Entre nous, je trouve que la grande classe pourrait s'occuper de ce qui se passe sur le pavé. Je ne sais pas ce qu'il y aurait à faire, mais vrai, est-ce qu'on en voit de la misère sur le pavé? Je ne crie pas sur la place publique, on ne fait jamais de bonne politique sur le pavé. Mais je prétends que dans le siècle où nous sommes, on ne devrait pas voir autant d'hommes sur le pavé. Je vous rappelle les faits, monsieur le journaliste. Fifine, veuve de Jean-Baptiste Chopin, a passé de vie à trépas. Une mort sordide provoquée malencontreusement par une raclée de Ragdal, dont elle a eu un fils, Roculo. Ragdal venait lui réclamer la petite fille, Rose-Aimée, dite Ficelle, qu'il lui avait confiée 10 ans auparavant. Rose-Aimée avait naguère été remise à Ragdal par le comte Roger de Charmeuse. Elle est en réalité la fille substituée de Jean Robin et d'Adrienne, auquel Ragdal entend faire payer la restitution. Rose-Aimée, Ficelle maltraitée par Fifine, a été soustraite à cette mégère par un jugement d'Ebi Fin et placée sous la protection de Garin le cheminot. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Tante Mie, elle est bien jolie ta chanson. Ah ouais? Mais bien triste aussi. Pourquoi je la comprends pas? Parce que t'es tout noir? Non, parce que je chante dans la langue de mon pays. Oh, good Jesus. Je ne sais pas quand je le reverrai. Tous les pays ne parlent pas pareil? Eh non, ma mignonne. Eh non, et c'est bien dommage. Sinon, peut-être que tout le monde s'entendrait mieux. Oui. Tonton, ta chanson, elle est aussi triste que le rêve que je fais parfois. Ah. Il y avait une maman très bonne qui pleurait toujours. Et ses yeux jolis jolis coulaient comme deux fontaines. Et la jolie maman était triste parce que sa petite fille n'était pas auprès d'elle. C'est drôle. Tonton, pourquoi je vois tout ça dans ta chanson? Et parce que ton rêve et ma chanson se ressemblent. Tu rêves de la misère des enfants blancs et je chante la misère des enfants noirs. Les douleurs et les souffrances se comprennent. Dis, tonton. Oui. Pourquoi t'as traversé l'océan pour venir ici? C'est grand, l'océan. Oh oui. Aussi grand que la Terre. J'ai suivi mon patron, Master Patrice Guéry. Et sa femme, Madame Hélène. Ils sont bons et gentils. Je te les ferai connaître, tiens. Alors pourquoi tu les as quittés? Oh, comme ça, pour me balader, chanter, être libre. Tu comprends, Fisette? Pas Fisette, Frisette. Ah, Frisette. Hein, papa Garin? Oui, mon ange, Frisette. Ah, je me heurte à un fait incroyable, inouï. Celle que tu considérais comme ta propre mère ne t'aurait jamais donné aucun nom durant toutes ces années. Eh oui, Tommy, je ne peux tirer de la pauvrette aucun renseignement vraiment précis. Écoute, Frisette, ton premier papa buvait beaucoup, mais il n'était pas mauvais, hein? Tes frères et sœurs non plus. Oui, excepté Roculo, celui qu'on surnomme le Roquet. Tu ne te rappelles que les prénoms et pas du tout le nom de famille. Et le nom de mon bon chien, Toutou. Je ne vivais qu'avec lui. Oui, pratiquement comme dans une niche. Tu ne sais même pas où tu es né, ni dans quel endroit tu vivais avant de venir à Malakoff. Mais enfin, bon sang, comment Fifine t'appelait-elle? Elle me disait, viens ici, saleté. Ah, hein? Ouais, reculo. La même chose? Oh, et la bosse? Bon, enfin, quand il parlait de toi, comment il disait? T'as de mots encore plus vilains. Que je veux pas te dire, papa Garin. Pour pas te faire de peine. Oh, pauvre mignonne chérie. Laisser un enfant sans nom. Faut-il que ces gens-là soient des gredins? Écoute, mon papa Garin. Si, j'ai un nom. Ils me le donnaient quand ils étaient un peu gays. Pas trop sous. Parce qu'alors, ils étaient mauvais. Ils m'appelaient Ficelle. Ficelle? Oui, parce que j'étais mal mise. C'était pas de ma faute, pas vrai? Mes bas, quand j'en avais, je les faisais tenir avec des bouts de ficelle. Et puis j'attachais mon jupon avec une ficelle. Avec une ficelle trouvée dans le tas de chiffon. Et puis c'était encore avec de la ficelle que je nouais mes cheveux. Tu vois, mon bon papa Garin, que j'étais un vrai paquet de ficelle. C'est pour ça qu'il m'appelait comme ça. Mais toi, tu me donneras jamais ce nom. Oh, tu parles, mignonne. Je continuerai à t'appeler Frisette. Tu as de si jolies boucles soyeuses. En attendant que je sache ton vrai nom. Et ça, je m'y attelle. Dis-moi, papa Garin. Oui. Pourquoi tonton, il est ton frère? Ta maman est noire aussi? Ah, peut-être que oui. Pourquoi pas? Je ne l'ai pas connu. Avec tonton Tommy, on s'est rencontrés dans la plaine de Nanterre. Mm-hmm. Ouais, hein, en plein hiver. Mm-hmm. Tiens, quelques jours avant que je t'adopte, emmitouflé dans ma grosse veste de peau de mouton, ma casquette enfoncée jusqu'aux oreilles, je surveillais ma petite gamelle au-dessus d'un feu de bois entre des pierres. Je tapais des pieds pour me réchauffer en me dégoisant quelques verres de bruant. Au nom du Père et du Fils, le ciel est blanc comme un lys. Là, le frio, les ruisseaux sont à la glace et l'eau gèle à la valasse. Ah, si j'étais proprio, je pourrais payer de la flanelle à mon pauvre cul qui gèle. Mais je ne suis pas proprio. Blaine Frio! On ne sait pas tant que l'air est fraîche ou qu'il faut poser sa pêche. Ah, si j'étais proprio, je pourrais payer de la flanelle à mon pauvre cul qui gèle. Mais je ne suis pas proprio. Blaine Frio. Je me retourne et juge de ma surprise à cette apparition bizarre. Un nègre. Un géant, au moins 2 mètres. Coiffé de son haute forme de couleur indécise qui, à force d'être bosselé, tourne à l'accordéon, avec un habit à queue de pie qui a dû être rouge, un pantalon collant à sous-pieds et son banjo à la main. Ah ! Je pars d'un grand éclat de rire et même je m'assois sur mon cul pour mieux m'en payer une bosse. Elle est bien bonne, celle-là. Ah, tout à l'heure, je me disais que je ne serais pas mal ici où il passe personne pour faire mon pot-au-feu, mais du diable si je croyais que j'aurais en plus la comédie. Et en musique. Comme les Rupins, quoi. Un gueuleton urf. Eh bien, mon compliment. Tu peux te vanter d'avoir une de ces binettes, mon pote. Mais d'où tu sors? Du dépôt de Nanterre. Ah. Ils m'ont mis à la porte avant l'heure du repas. Ils n'aiment pas la musique. Oh. Ah, ben, mon vieux. Moi qui te prenais pour un bon rigolo. Oh. Ça a l'air bien triste et malheureux. Ouais, et de péter de froid dans ce costard. Ah, oui. Ah, oui. La purée. Ouais, la purée noire. Bah, on la connaît aussi chez les Blancs. Ta musique, tes frusques à la rigolade, tout ça, c'est pour croûter. Ouais, seulement nip de galette. Il faut se les caler avec des briques. Ah, misère de misère. Vache de Rupin. Bah, assieds-toi, mon pauvre Morico, je vais te faire briefer. Merci. Il sera pas dit que pour une fois qu'il a mis la marmite, Garin le cheminot n'a pas invité à un confrère en mistoufle. Allez, mon pote, sans façon, fais comme chez toi, ne te gêne pas. Les deux vagabonds, le blanc et le noir, eh bien, on bectera fraternellement dans la même gamelle. Ouais, t'as pas l'air de bien me comprendre, et surtout que je te dégoise en argot. T'es pas natif de Pantruche. Et non. Ah, j'arrive d'Amérique. Oh. Avec monsieur Patrice Guéry. Hein? Le manager de Great John, le roi de la pierre. Il paraît qu'il a perdu il y a longtemps sa petite fille qu'on avait volée au berceau à sa maman. Et seulement mon maître et Jean Robert, il cherche et il ne trouve pas. Oh. La maman est une belle dame qui habite un grand beau château pas loin de Paris, du côté qui regarde le soleil près d'une grande tour, très vieille, en ruine. Oh ouais, je vois ce que tu veux dire, mon vieux mal blanchi. Ouais, au sud de Paris, près de la tour de Montlhéry. Oui, oh, bah, je connais ça. Tous les ans, je passe par là dans la belle saison quand je vais travailler aux moissons du côté d'Orléans. Je pars à pattes tranquillement, mon sac sur le dos. Ah, pas besoin de prendre le dur. Est-ce que je jouis du paysage, des blés, des champs, des vignes? Je me dis que tout ce qui pousse est à moi. Comme dit une batte chanson de Bruant que je te goûlerai un de ces jours. Ah, ah, il faut du soleil, de la verdure, des fruits, des fleurs. Ah oui, je marche. Je rencontre des trimardeurs comme moi. On trouve toujours à s'embaucher. Je suis même allé jusqu'en Provence. Ouais, mon pote. Ouais, pour la cueillette des olives. Entre-temps, je bosse chez les maréchaux Ferrand, dans les ardoisières. Ou bien à aller des gros bateaux le long des rivières. Et là, je reviens d'un petit trou dans le Vexin. Et je m'en vais prendre mes quartiers d'hiver chez les Chiffortons, à Malakoff. Ah. Ah, cette année, je suis en retard de plus de 2 mois sur mon programme. Et voilà, Frisette. Comment Tommy Turon et Plamerloche et Garin le cheminot firent connaissance. Tu vois, Frisette, en France, un noir peut entrer n'importe où, s'asseoir à côté d'un blanc n'importe où. En Amérique, non? Non, les blancs avec les blancs et les noirs avec les noirs. Hein? Et tu comprends pourquoi, Frisette? Je préfère manger un bout de pain sec, mais en France. Oui, mon patron l'a bien compris. Il me laisse toute liberté pour partir ou revenir. De temps en temps, un copain, monsieur Chabanet, celui qui m'apprend des chansons, lui donne de mes nouvelles. La liberté, ça se conquiert. Oui, tu l'apprendras quand tu seras grande. Et Tommy l'a déjà appris à ses dépens. Le monde vit selon la règle des classes nettement délimitées. Tu peux franchir la frontière de n'importe quel pays. Il existe une autorité occulte qui t'empêche de franchir la frontière de ta classe. Tommy s'est épuisé à soutenir une lutte inégale contre des forces sociales dont il ne se doutait pas, et de courir dans la campagne en plein hiver sans expérience l'a achevé. Eh ouais, il a attrapé la crève. Hein, mon vieux Tommy, heureusement que t'as la cabane du papa Garin. Hein? Mais oui, il n'a pas voulu que j'aille à l'hôpital. Oh, Dieu. Il m'a soigné tout un mois. Et voilà pourquoi mon papa Garin, tonton, est devenu ton frangin cirage. Entre ces deux êtres d'une exquise bonté, la vie de Rose Aimée fut pour la première fois heureuse. Ce n'était certes pas le luxe sous l'humble toit que le cheminot et le nègre partageaient avec elle. L'abondance et le confort étaient loin d'y régner. Mais la pauvreté n'y respirait plus cette atmosphère de crasse et de vice. Quelle différence avec la méchanceté alcoolique de l'ogresse et du roquet vérolé de Malakoff. Ouais, elle était heureuse, la mignonne. Cette fortune inespérée, c'était l'infinie douceur de ces deux hommes disparates, paria de la société, un vagabond qui court les grandes routes sans se fixer nulle part, égrenant sa chanson et cueillant des fleurs le long de son chemin, et un géant noir inconscient. En montant le boulevard Saint-Mé, en montant le boulevard des études. Pardon, madame, je désirerais avoir avec vous quelques instants d'entretien. Vous? Oui, moi. Votre mari, le comte de Charmeuse. Je ne suis pas un spectre. Certes, j'ai perdu de mon élégance aristocratique. En effet, votre linge est douteux. Vous dégagez une odeur de vieux mégot et d'absinthe bon marché. Oui, je ne croyais pas. J'espérais ne plus jamais vous revoir. Cela vous aurait bien arrangé que je vous oublie, que je disparaisse. Comme vous avez fait disparaître mon enfant, voleur d'enfants. Et c'est ici que vous avez le front de m'aborder, vous dont l'honneur est mort, devant cette crèche. Avez-vous seulement lu son nom? Oui, gravé en lettres d'or. Crèche Rose Aimée. Rose Aimée, que vous m'avez volée. Femme voleur d'enfants, qu'en avez-vous fait? Peut-être l'avez-vous tuée. Et pourquoi nourrir de semblables pensées? Je l'ai laissée à un homme de confiance, à charge de lui trouver une nourrice irréprochable. Ragdal, vous appelez cet être abject un homme de confiance. Vous allez bien de pair. Demandez-lui des comptes, puisque vous semblez le connaître. Je n'en sais pas plus. Retournez dans vos bouges et laissez-moi. Vous laissez? Mais je n'ai fait que cela, madame. Tout le temps que nous avons vécu ensemble. Je vous ai laissé, conformément à nos conventions matrimoniales. Vous me rendrez cette justice que je les ai strictement exécutées, ces conventions. J'ai malheureusement le regret de constater qu'il n'en a pas été de même en ce qui vous concerne. Notre mariage fut une affaire, une bien mauvaise affaire pour nous deux, j'en conviens. Feu, monsieur, votre père, dont Dieu est l'âme, vous avez constitué 3 millions de dots, dont un seulement de liquide. Pour les 2 autres millions, nous n'en avions que les intérêts. Cet excellent monsieur Bonner, qui craignait toujours de rester dans la gêne, s'en était réservé l'emploi. Aujourd'hui, par suite du décès de mon beau-père, nous entrons en possession de la dite somme. Nous ? Parfaitement. Nous devons entrer en possession de ce qui nous est légitimement dû. J'aurai donc l'honneur de vous accompagner chez votre notaire. Et là, après l'accomplissement des formalités d'usage, nous procéderons au partage de l'actif. C'est bien, monsieur. En effet, il vous revient 2 millions. Ces 2 millions, vous les aurez. À une condition. Sans condition, madame. C'est mon dû. Voudriez-vous que je révèle au notaire que vous avez volé mon enfant? En avez-vous les preuves? Qui accuse doit prouver. Tenez, madame. Je suis compréhensif. Arrondissez le reliquat de votre dot à 5 millions et je vous révélerai où se tient Ragdan et comment l'approcher. Comment puis-je vous croire? Pour un pareil secret, c'est trop si vous mentez et trop peu si vous dites la vérité. Madame, on ne retourne pas les cartes avant d'avoir misé. Pour gagner, il faut risquer. Soit. Vous aurez 2 millions contre le renseignement. Et les 3 autres, s'il est exact. À prendre ou à laisser, n'en espérez pas plus. Tous les autres millions de mon père iront aux pauvres. Ah, dans ce cas, je peux espérer avoir ma part de vos aumônes. Car vous le voyez, Madame Adrienne, je suis pauvre. Bien pauvre. Un pauvre honteux qui n'ose pas tendre la main à demander l'aumône. Tenez, voici ma bourse. Je ne sais combien elle contient. Et je vous prie de ne pas m'appeler par mon petit nom. Oh, je vous remercie, comtesse. Mais la moitié aurait suffi. La moitié, c'est mon droit strict. Ma part dans les bénéfices, les acquets, comme disent les gens d'affaires. Enfin, nous sommes de revue. Et quand nous réglerons le partage à l'amiable, je vous tiendrai compte, ça va sans dire, de cette petite avance. Adrienne, pourquoi tardez-vous à entrer? Que se passe-t-il? Écartez-vous, monsieur. Ne profanez pas le seuil de cet asile de l'enfance. Ne me forcez pas à vous rappeler que là où vous êtes, l'enfance ne se trouve pas en sécurité. Comtesse, ne me forcez pas à vous rappeler que le mari a le droit d'accompagner sa femme partout où elle va, et que la femme a le devoir de suivre son mari et d'habiter avec lui. C'est ainsi que je pourrais... Et, ma foi, pourquoi ne le ferais-je pas? L'air de la campagne me serait on ne peut plus profitable. C'est ainsi, dis-je, qu'il me serait parfaitement loisible d'aller demeurer avec vous, chez vous, au château de Ballainvilliers. Mais enfin, tout ceci demande réflexion. En attendant, au revoir, madame. Et à demain, à 2 heures de l'après-midi, chez votre notaire. La braise, c'est le nerf du jour. Aussi faut voir ce qu'on fait pour la braise. Pour être un monsieur comme il faut, pour avoir le droit de parler, il faut la braise. Messieurs, dames, je vous demande pardon. Je vais vous chanter la chanson de la braise. Ah, voyez-vous, c'est qu'ici-bas, on est à plaindre quand on n'a pas de braise. Y'a pas à dire, mon petit papa, le plus malin, c'est celui qu'a de la braise. Pour être un monsieur comme il faut, pour avoir le droit de parler, il faut de la braise. La braise est un levier puissant, il faut aux petits comme aux grands de la braise. Un pédant doublé d'un fruit sec devient un homme d'espoir y avec de la braise. La braise, c'est le nerf du jour, aussi faut voir ce qu'on fait pour de la braise. On vend sa plume et son talent, son cœur, son âme en demandant de la braise. Dans la peine, dans le malheur, il faut pour calmer la douleur de la braise. Quand vient la saison des frimas, il faut plaindre ceux qui n'ont pas de la braise. Riches, pensez aux pauvres gens, donnez, donnez aux indigents de la braise. Soyons humains, mes bons amis, puisque la France est le pays de la braise. Bref, je le répète, tout est là, en tout lieu, on vous demandera de la braise. Vous venez ici vous amuser, mais faut commencer par donner de la braise. Moi, pour chanter ma petite chanson, qu'est-ce que je demande à mon patron de la braise? Et l'auteur a fait cette scie-là dans l'espoir qu'elle lui rapportera de la braise. Thank you.